La tortue et les deux hérons. En ce temps-là, dans la province du Hunan, au sud-est de la Chine, sur les bords d'un lac tranquille, trois amis vivaient en paix. Deux grands oiseaux, habillés de blanc et de gris, au bec solide, les ailes immenses comme des voiles, le cou long et flexible, des hérons cendrés nommés Ching et Chang, et une dame tortue d'un âge avancé, Pi Wan. La tortue avait un caractère difficile, rancunière, susceptible, grincheuse. Mais elle gardait le logis quand les nobles oiseaux s'en allaient pour des pêches lointaines. Ils la trouvaient au retour, fidèle. Et avec sa tête un peu massive, son dos rayé, sa façon de se retirer en grommelant sous sa carapace, il l'aimait. Comme l'on aime un paysage familier, un point d'ancrage sur les eaux mouvantes, dans les ciels changeants. Un soir, Dame Pi Wan, la tête ramassée dans le cou à son ordinaire, s'affairait à préparer le repas, quand Ching, qui était perché sur une branche d'arbre et se lissait les plumes, observa. « J'ai l'impression que les eaux de notre lac de la tranquillité baissent de façon alarmante. »« Elles baissent tous les étés, » grommela Pi Wan. « Moins il y a d'eau et plus facile est la pêche, » dit Chang, et il rit avec insouciance. « Cric, cric. » Fit Ching. En vérité, je suis inquiet. » Dame Tortue haussa ses épaules massives et Chang continua de se gratter délicieusement le creux des ailes de son bec encore rose. Et la nuit, dans le ciel orange de Chine, tomba brusquement. Les trois amis s'endormirent dans un dernier flamboiement. L'été s'avançait. Pas une goutte de pluie. La sécheresse devint terrible. Le cours des rivières baissait. Les champs de coton, les rizières n'étaient plus irrigués. Le petit lac paisible découvrait ses fonds vaseux. Une période de famine s'annonçait. Un soir, les trois amis tinrent conseil. « Nous devons partir vers le nord, » déclara Ching. « Toute la région jusqu'à Canton est victime de la sécheresse. Il faut nous envoler loin d'ici dès demain. » « Allons voir des cieux nouveaux, » dit Chang avec légèreté, et il rit. « Cric !» Mais une voix coupante l'interrompit brutalement. « Et moi ?» s'exclamait Pi Wan indigné. « Comment vais-je partir ? Je suis vieille. Ma carapace est lourde et je n'ai pas d'ailes comme vous. Songez-vous par hasard à m'abandonner ?» Les deux hérons se regardèrent contrits. « C'est vrai, se dirent-ils, nous ne pouvons laisser ici notre vieille amie qui serait vouée à une mort certaine. Mais comment l'emmener ?»« Il faut trouver une solution, » dit Ching. Et tous les trois, sous le ciel orange de Chine, partirent se coucher, l'esprit occupé par de sombres pensées. Le lendemain, dès l'aurore, ils tinrent conciliabule. Ching en équilibre sur sa patte droite, Chang sur la gauche, Dame Pi Wan, les yeux courroucés et inquiets, débordant de la collerette de sa carapace. « Il n'est pas question de rester seule ici et de mourir de soif, » fulminait-elle. « Chère vieille amie, je suis d'accord avec vous, mais comment vous transporter ? Il s'agit d'un long voyage, » soupira Ching. « Et vous êtes lourde, Dame Pi Wan, » plaisanta Chang. « Je me souviens l'été dernier, quand vous vous êtes posée sur mon pied. Aïe !»« C'était votre faute. »« Pas du tout. »« J'ai peut-être une solution, » dit Ching. « Nous pourrions couper un solide bâton. Nous le tiendrions, Chang et moi, chacun par un bout. Pi Wan le mordrait en son milieu. « Bravo, » fit Chang, « c'est une idée remarquable. » Et Dame Pi Wan ne nous rompra pas la tête avec son bavardage. Il rit de bon cœur. Cric.